3, 2, 1. Ils sont partis. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Good morning, Vietnam! So, back to it. Cours, Forrest, cours! You know nothing, Jon Snow. Bonjour à tous et bienvenue à Programme Double, un podcast qui est diffusé une fois ou deux semaines et dans lequel je vais vous présenter deux films qui sont reliés soit par une thématique, une franchise, un acteur, voire même un réalisateur. Le but de ce podcast n'est pas de vous dire ce que vous devez écouter, mais plutôt d'analyser les forces et les faiblesses de chacun des longs-métrages présentés, tout en vous racontant certaines anecdotes de la production, le tout enrobé d'une sauce très rétro. Henri Girard, connu sous le pseudonyme de Georges Arnault, est un écrivain, journaliste d'investigation et militant politique français né à Montpellier en 1917. Endetté, désireux de se faire oublier, en particulier de ses financiers, il s'embarque pour l'Amérique du Sud où il y mène pendant 2 ans une vie de bourlingueur. Il multiplie les métiers de chercheur d'or à barman en passant par conducteur de taxi ou de camion, une vie très dure dans des pays où la loi est souvent violée et où ont émigré beaucoup de personnages peu recommandables. De retour en France en 1950, il s'installera avec celle qui deviendra sa troisième épouse, Leila Fachini, et publiera un roman intitulé « Le salaire de la peur » après 3 mois d'écriture et inspiré directement de sa rencontre dans un raid de Caracas avec un homme aux cheveux prématurément blancs qui raconte avoir convoyé de la nitroglycérine au volant d'un camion. Publié par la maison d'édition Gilliard, le livre rencontre alors un succès fracassant qu'une adaptation cinématographique va amplifier considérablement. En effet, le cinéaste Henri-Georges Clouzot en tourne en 1952 une adaptation avec les acteurs Yves Montand et Charles Vanel. Le film sera l'un des seuls de l'histoire du cinéma à remporter la même année la Palme d'or du Festival de Cannes et l'Ours d'or au Festival de Berlin. L'auteur du roman restera cependant, quant à lui, pour le moins réservé quant à la fidélité de cette adaptation et déplorera certaines intrusions allusives dans les relations entre les deux héros. En 1984, Girard s'établit avec sa femme à Barcelone, où il succombe à une crise cardiaque en 1987. De son vivant, Arnault prétendra détester le long-métrage original de 1952, qu'il juge édulcoré, et reniera également la version américaine de 1977, qui mettait en vedette Roy Scheider et Bruno Kremer. Dans l'esprit du public, Le convoi de la peur de William Friedkin restera le remake du film de Clouzot plutôt que la nouvelle adaptation d'un roman déjà un peu oublié. Cette histoire de 4 aventuriers qui acceptent une mission suicide en convoyant sur des pistes impraticables des camions chargés de nitroglycérine est le sujet de notre programme double d'aujourd'hui. Tout d'abord, j'analyserai le film original de 1952 pour par la suite me pencher sur le remake du réalisateur William Friedkin, Sorcerer, qui verra le jour en 1977 et qui sera malheureusement éclipsé par un des plus grands films de cette période, Star Wars. Donc, préparez-vous à une épopée de l'angoisse pure et de l'absurde où 4 hommes affronteront des kilomètres de pistes impraticables au volant de camions délabrés pour convoyer de la nitroglycérine et ce, pour une poignée de dollars où le moindre écart ne sera accueilli que par une mort certaine. We're happy to have you with us this evening and want you to enjoy every minute of your stay here. And while you relax and stretch, visit our concession where you'll find something to please you. There are ice-cold drinks, delicious sandwiches, ice cream, coffee and snacks, and many other pleasing treats. Our foods are fresh and tasty, our drinks satisfying and refreshing. They're so good. You get more out of life when you go out to a movie. Symbols. We're all familiar with them. There are shortcuts to vital information. That's why, to familiarize you with the movie rating symbols which will be used by this theater, we present the following guide for parents and young people. It is designed to inform parents about the suitability of movie content for viewing by their children. G, all ages admitted, general audiences. GP, all ages admitted, parental guidance suggested. R, restricted, under 17 requires accompanying parent or adult guardian. X, no one under 18 admitted. The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show, and please come back and visit us again. And now, it's showtime. Une simple goutte de ce liquide. Quatre hommes vont jouer leur vie au volant de ces camions. Ils atteindront les limites du danger, du courage et de la peur. Mario. Joe. Monsieur Joe. Et si les flics veulent me mettre ça sur le dos? They will not have a chance. In the baba. Luigi. Champagne. Spumante. Bimba. Si je dois faire un macabé, autant que ce soit un macabé présentable. Une ville d'Amérique du Sud écrasée par le soleil. Le salaire de la peur, ou Wages of Fear, est un film d'aventure franco-italien qui a été distribué par Vera Film et Cinedis le 22 avril 1953. Ce long métrage de 153 minutes a obtenu un budget de 197 millions de francs. Malheureusement, je n'ai point été capable de découvrir sa recette au box-office, mais je sais que c'est un film qui a eu énormément de succès. Au niveau de la réalisation, eh bien, on y retrouve Henri-Georges Clouzot, ce réalisateur français qui nous avait donné « Les Diaboliques » et « Les Espions ». Sur le poste de producteur, on y retrouve Raymond Borderie, ce producteur français qui a produit le film « Le Samouraï » avec Alain Delon et, bien sûr, le film original « Diaboliquement vôtre ». Et au niveau de la scénarisation, on y retrouve bien sûr Henri-Georges Clouzot, qui lui avait écrit les scénarios « Manon, la vérité et l'enfer ». Et à ses côtés, Jérôme Nimi, qui lui avait écrit le scénario de « Soylent Green ». Dans la distribution, on y retrouve Yves Montand, Charles Vanel, Folco Lully, Peter Van Eyck, Vera Clouzot, William Tubbs, Dario Moreno, Joe Dest, Luis de Lima, Antonio Santa et Darling Legitimus. Dans un village perdu au fin fond des pays d'Amérique latine, quatre Européens, échoués là au gré de leurs aventures, espèrent trouver un jour le travail qui leur permettra de gagner la somme suffisante pour se payer un billet d'avion et ainsi quitter cet endroit sans avenir. Une occasion se présente lorsqu'une compagnie pétrolière américaine qui exploite un gisement dans la région qui a pris feu suite à un accident recherche des chauffeurs pour transporter de la nitroglycérine. Quatre désespérés se présentent, soit deux Français, Joe et Mario, Luigi, un Italien, et un Allemand du nom de Bimba. Le voyage commence sur des routes dont l'état lamentable manque à chaque chaos de faire exploser les camions et leurs chauffeurs. Après trois premiers longs-métrages exemplaires, le metteur en scène français Henri-Georges Clouzot chercha à se renouveler et entama une période de mutation. Quand le journaliste et producteur de séries françaises Pierre Lazareff lui parle du roman de Georges Arnaud publié au début des années 50, son intérêt est alors inévitablement attisé. Aidé de son frère Jean, crédité au générique sous le pseudonyme de Jérôme Géromini, Clouzot va accoucher d'un scénario de près de 400 pages, infiniment moins dialogué que ses travaux antérieurs. Clouzot veut alors tourner en décor réel à une époque où l'essentiel d'un film, y compris les extérieurs, se tourne en studio. Il se fixe d'abord sur l'Espagne, mais un voyage à Rio, quelque temps plus tôt, avait convaincu Yves Montand et son épouse Simone Signoret de la misère régnant en Amérique latine. Montand refusa alors d'aller tourner dans cette partie du monde, jugeant cela indécent. Clouzot lui proposera alors de tourner le film en Espagne, ce qu'il refusa également par pur dégoût du régime franquiste. Suite à cet accrochage avec le couple Montand-Signoret, Clouzot rapatriera la production à Camargue, près du village de Saint-Gilles. Là, l'équipe chargée du décor travaille d'arrache-pied pour construire Las Poedras dans les moindres détails. Mais, à la fin de l'été 1951, des pluies torrentielles vont s'abattre sur le sud de la France et pendant plus d'un mois, Clouzot ne peut que regarder son décor s'éroder et ses équipes trépigner dans leur chambre d'hôtel. En novembre, seules 35 minutes de film, soit l'introduction au village, ont été tournées et la production est totalement ruinée. Le tournage va s'interrompre jusqu'à ce que, 6 mois plus tard, Georges Loureau prenne le relais de Raymond Bordéry et relance la production. En juin 1952, les prises de vue des séquences faisant intervenir les camions débutent enfin, chacune tournée dans des conditions réelles qui représentent un véritable défi logistique ainsi qu'une prise de risque considérable qui va inclure la noyade accidentelle de 2 soldats du 7e régiment du génie d'Avignon qui furent sollicités pour faire partie des personnes responsables des travaux d'acheminement et de construction. Les deux noyades furent sans aucun doute les événements les plus tragiques du tournage, mais l'équipe eut à surmonter beaucoup d'autres difficultés. Vera Clouzot, l'épouse du réalisateur, va tomber malade. Henri-Georges Clouzot, lui, va se casser la cheville pendant le tournage. Les figurants gitans, s'estimant sous-payés, se mirent en grève pour être payés. Il va y avoir des précipitations qui vont durer plus de 40 jours, les décors se détruisant, les véhicules s'embourbant dans la bouette et les grues également qui n'étaient pas capables de rester en place. Donc, tout ça faisant en sorte que le tournage est extrêmement difficile. D'ailleurs, les acteurs Yves Montand et Charles Vanel vont tous les deux souffrir de conjonctivite après avoir filmé dans une piscine remplie d'huile et de gaz lacrymogène pour remonter le réalisme des séquences. À l'origine, c'est à Jean Gabin qu'était proposé le rôle de Joe, mais ce dernier refusa, craignant que son personnage de lâche allait entacher sa carrière. Ce sera alors Charles Vanel qui prendra sa place. Clouzot, lui, va faire confiance au jeune Yves Montand, dont il s'agit ici du premier film sérieux, Montand qui était surtout apprécié comme chanteur à l'époque. Peter Van Hyck et Folco Lucci vont compléter la bande des 4 conducteurs, alors que Vera Clouzot, la femme du réalisateur, fera ici ses débuts sur le grand écran comme actrice, sa beauté et son sex appeal qui vont se faire remarquer par les différents critiques. Le tournage éprouvant et tumultueux va se poursuivre jusqu'en novembre 1952, près de 16 mois après ses débuts. Enfin, le film sera mis en boîte. Mais le film va être radicalement coupé au montage pour sa sortie aux États-Unis en 1955, perdant environ 35 minutes de sa durée d'origine. Cela comprenait la coupe de plusieurs scènes donnant une image très négative de la firme pétrolière américaine fictive Sock après que le film ait été accusé d'anti-américanisme. Présenté au Festival de Cannes en 1953, le film Le silence de la peur va recevoir le Grand Prix qui ne s'appelait pas à ce moment-là le Palme d'or et va, durant la même année, également recevoir le prix de l'Ours d'or au Festival de Berlin ou le prix Méliès, qui est remis au Syndicat français de la critique. Dès la promotion, le réalisateur va oublier de citer Georges Arnaud comme auteur de l'œuvre originale et va s'approprier l'histoire au complet, ce qui va faire en sorte que Arnaud, qui ne sera même pas invité à l'avant-première du film, va prendre en grippe le film « Le salaire de la peur ». Le salaire de la peur va être refait deux fois par Hollywood. La première fois, en 1958, le film s'intitule Violent Road ou Hell's Highway, qui va être réalisé par Howard Koch. Mais c'est surtout le remake Sorcerer, réalisé par le metteur en scène William Friedkin en 1977, qui demeure le plus populaire. En 2010, le film est classé à la 9e place de la liste des 100 meilleurs films au cinéma mondial qui a été effectuée par le magazine Empire. Le salaire de la peur sera coloré en 1996 avec l'approbation de la fille du réalisateur Henri-Georges Clouzot. Du côté du salaire de la peur, le film possède une mise en scène sobre mais avant-gardiste. Et je vous dirais que l'aspect multilinguiste du film donne également un aspect réaliste au long métrage. On parle ici d'un film qui est en français, en espagnol, en anglais, en italien et en russe. De plus, la direction photo du film est tout simplement grandiose. L'application du noir et blanc ici, là, je vous dirais, est tellement bien appliquée que c'est vraiment pas une distraction pour ceux qui sont habitués de voir des films en couleur. Clouzot va multiplier ici les morceaux de bravoure et les scènes spectaculaires dans la dernière heure et demie et la mise en scène est tout simplement exemplaire pour retenir notre attention malgré des séquences qui sont quasi muettes et qui reposent essentiellement sur l'articulation entre les actions de chacun et la traduction visuelle de leur appréhension et de leurs inquiétudes. Finalement, on s'attache tranquillement aux personnages impliqués dans cette dernière heure et demie du film, notamment Yves Montand, qui est tout simplement exceptionnel dans ce rôle-là. Du côté des points négatifs, eh bien, c'est l'installation du film qui est extrêmement longue. La première heure dans le village avant le départ des camions, il y a beaucoup de longueur, il y a un manque d'intérêt aux différentes chicanes de clan, puis la supposée histoire d'amour entre Montand et le personnage de Vera Clouzot qui est vraiment artificiel puis qui aboutit à rien. Finalement, les personnages sont tous antipathiques. Il n'y a pas de facilité pour nous de s'attacher à aucun de ces personnages-là, du moins dans la première partie du film, ce qui va changer quand même dans la dernière heure et demie. Il y a l'aspect trop théâtral de l'époque aussi qui peut quelque peu taper sur les nerfs du spectateur, surtout dans la première partie du film, où est-ce que justement on a ces séquences de chicanes entre clans, où est-ce qu'on est toujours dans des mêmes segments, où est-ce qu'on a l'impression d'être, même si on filme à l'extérieur, d'être sur une scène de théâtre puis d'assister à des prestations théâtrales. Il y a aussi ces séquences où les chauffeurs pilotent leur camion devant un écran de projection et on remarque très rapidement que l'acteur va tourner le volant dans une direction, mais l'écran ne va pas nécessairement tourner dans la même direction. Quelque chose qui avait été ridiculisé un petit peu dans le film Airplane en 1980. Parlant de multilinguistes, ceux qui n'aiment pas les sous-titres, bien, vous allez trouver la première heure très longue parce que, comme je vous dis, comme on se promène entre le français, l'espagnol, l'anglais, l'italien et le russe, bien, je vous dirais que la première heure, c'est pratiquement de la lecture continuelle que vous allez avoir à faire. À partir du moment qu'on tombe dans la dernière heure et demie, là, on tombe avec un film typiquement anglophone où est-ce que là, on n'a pas rien à lire. Cependant, le sous-titre va revenir dans le dernier segment du film, soit les derniers 5 minutes, mais ça demeure que si vous êtes capable d'accepter ça, le film est intéressant et la dernière heure et demie, là où ça devient vraiment plaisant, c'est que vous avez des séquences où il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais la façon que c'est filmé, le suspense, le stress, tout est gardé et ça maintient votre attention. Donc, cette heure-là est à sacrifier pour obtenir une dernière heure et demie tout simplement exceptionnelle. Au niveau musical, c'est le compositeur Georges Auric, ce compositeur français qui nous a donné la musique des films L'Arbre de Noël, The Mind Benchers, The Innocents et Esclave. Malheureusement, il n'existe aucune trame sonore du film, mais j'ai quand même été capable de vous trouver un petit segment musical de la musique du Salaire de la peur. Thank you. Right into the greatest show on earth. In the center ring, our top attraction, your money's worth. Come see the dancing elephants, the biggest thing on wheels. Ah, the little boy's first circus, I wonder how it feels. With wonder does this magic land fill his widened eyes. Look now, there's the zebras, this show's a real surprise. The polar bears arrive on cue, on bikes they sally forth. They're mighty cool, but then it's true, they're from the frozen north. And now the clowns will stop the show with your most kind permission. A rocket blast, so you will know it's time for intermission. With mustard and relish, you'll guarantee mouth-watering satisfaction. And now he slips his costume on, a beautiful golden bun. There's his cue, break, to go out on stage. He's the natural. He's the rage. Meet this person that'll be at our refreshment counter. Treat the family. Let's play Dutch Cheap. Da da da da da da. Oh, you're it. No, I'm not. Come on. I'm it. One Dutch, two Dutch, three Dutch treat. Four Dutch, five Dutch, six Dutch treat. Seven Dutch, eight Dutch, nine Dutch treat. Dutch treat chocolate drink. Oh, Dutch treat chocolate drink, please. Dutch treat drinks so good. I want some. Me too. Everybody loves it. So good. It's good hot. Or cold. Mom and Dad love it. So, get Dutch treat chocolate drink at the snack bar now. Still plenty of time to come and be served at the refreshment center before showtime. What's your pleasure, sir or madam, and all you kiddies too? Sandwiches, freshly made from quality ingredients. Soft drinks, cool, tangy, and refreshing. A hot dog? There you are, tender, juicy, done to a turn with some fixings. Hamburgers, ma'am? Just the way you like them. Meaty, moist, and broiled to perfection. The coming attraction. And now, on with the show. Rated X. Get more out of life. Go out to a movie. It's risky moving one of those cases 10 feet. That fire is over 200 miles away. If it were up there, could you use it? How the hell are you going to get it up? It's not your problem. We'll get it up there. tell me about it. You gonna tell me where I'm going? I swear to Christ, I don't know. We now need experienced truck drivers. Men who are willing to do a dangerous job. The men who qualify, they will receive exceptional wages. Only experienced truck drivers willing to risk their life can do it. We're gonna cross that bridge, and you're gonna guide me, but I can't do it alone. Sorcerer, ou Le Convoi de la peur, est un drame d'aventure qui a été distribué par les studios Universal Pictures et Paramount Pictures le 24 juin 1977. Ce film américain d'une durée de 121 minutes a coûté 22 millions de dollars à produire, mais n'a ramassé que 9 millions de dollars au box-office mondial. Sur la chaise du réalisateur ainsi que sur la chaise du producteur, on retrouve le réalisateur William Friedkin qui nous avait donné l'excellent The Exorcist, The French Connection et le film Rampage en 1987. Au niveau de la scénarisation, on retrouve Waylon Green, ce scénariste américain qui nous a donné The Wild Bunch, The Brinks Job et Solar Babies. À la distribution, on y retrouve l'acteur Roy Scheider, Bruno Kremer, Francisco Rabal, Amidou, Ramon Bieri et Carl John. L'histoire suit un terroriste arabe, un banquier parisien, un tueur professionnel et un petit criminel qui sont contraints de se réfugier dans un coin perdu d'Amérique latine où ils travaillent sous des noms d'emprunt pour une compagnie pétrolière. Attendant que le temps passe et qu'on les oublie, les quatre hommes acceptent une dangereuse mission qui est très bien rémunérée afin de convoyer deux camions chargés de nitroglycérine sur des routes pratiquement impraticables afin d'éteindre un feu dans un puits pétrolier suite à un terrible accident. Suite au succès de ses précédents films, soit The French Connection, qui lui a valu un Oscar du meilleur réalisateur, ainsi que The Exorcist, le réalisateur William Friedkin est libre de concevoir le film qu'il désire. Grand admirateur du metteur en scène français Henri-Georges Clouzot, Friedkin se lance dans ce projet de remake du film Le salaire de la peur, long-métrage qui a fortement marqué son adolescence. Sorcerer fut à l'origine conçu comme un projet secondaire, alors que le réalisateur américain travaillait sur The Devil's Triangle, un film qui parlerait du triangle des Bermudes et des extraterrestres, mais projet qui fut mis hors chantier par la pré-production d'un autre projet qui avait été fait par Steven Spielberg, soit Close Encounter of the Third Kind. Après l'annulation de The Devil's Triangle, eh bien, Friedkin va alors se concentrer complètement sur ce nouveau film d'aventure qui va intituler donc Sorcerer. Après avoir obtenu les droits cinématographiques du roman « Le salaire de la peur » de l'écrivain Georges Arnaud, Friedkin va se rendre en France pour la sortie en salle de son grand succès « The Exorcist » et émet le vœu de rencontrer à Paris le cinéaste français Henri-Georges Clouzot, pour lequel il a une forte admiration. Il lui apprend alors qu'il a pour projet de refaire le salaire de la peur, mais le réalisateur français tente de l'en dissuader en qualifiant l'œuvre d'un vieux truc fatigué. Clouzot va accepter néanmoins de lui donner sa bénédiction et Friedkin annonce alors qu'il ne fera pas un remake, mais plutôt une nouvelle version de ce qu'il considère être comme un classique. Il va alors travailler sur le scénario avec Waylon Green, dont il fut très impressionné par son travail sur le western de Sam Peckinpah de Wild Bunch. Green était une personne instruite, capable de s'exprimer en français, en espagnol, en italien, en allemand et bien sûr en anglais. Et donc, les deux hommes vont arriver à une version finale du scénario après plus de 4 mois de travail. Au départ, le film Sorcerer devait être un film avec un moyen budget. On parle ici d'environ 2 millions de dollars et dont le scénario était écrit pour des stars internationales telles que Steve McQueen, Marcello Mastroianni et Lino Ventura. Une distribution de rêve, d'ailleurs, pour William Friedkin, qui, au fur et à mesure, va malheureusement s'évaporer, à commencer par Steve McQueen, qui venait de se marier à l'actrice Ally McGraw et qui désirait que son épouse soit actrice dans le film, puis par la suite désirait que cette dernière devienne productrice exécutive afin qu'elle soit avec lui sur le plateau de tournage et demandera même que le tournage ne se fasse pas en dehors des États-Unis. Friedkin va refuser tout compromis par orgueil et c'est à ce moment-là qu'on va voir la démission de Steve McQueen. Par la suite, il va se rendre à Rome où il va rencontrer, bien sûr, l'acteur Marcello Mastroianni. Mais malheureusement, Mastroianni, qui est au moment de la discussion en instance de divorce avec sa concubine Catherine Deneuve, vient de voir arriver au monde son enfant, qui est Chiara Mastroianni. Mais Catherine Deneuve, qui voit la possibilité que son mari va prendre l'enfant et se retrouver dans la jungle équatoriale, refuse que son mari accepte le rôle et donc Mastroianni devra également donner sa démission. Après ces deux démissions, bien, ce sera alors au tour de Lino Ventura de décliner l'offre. Et c'est là que du côté d'Universal, on va commencer à avoir des doutes face à cette production. Mais on va quand même, du côté de Friedkin, recruter deux acteurs de talent, soit Roy Scheider, avec qui il avait travaillé sur The French Connection, et l'acteur Bruno Kremer, qu'on avait vu sur Megret. Ayant déjà travaillé donc avec Schneider, qui lui venait de faire Jaws, Friedkin aura cependant beaucoup de difficultés à s'entendre avec ce dernier lors de la production. En effet, l'acteur n'était pas vraiment réceptif aux suggestions du réalisateur et par moments refusait catégoriquement de parler avec ce dernier. Lorsque surviendra différents problèmes qui ralentiront le tournage, Schneider va cependant proposer à Friedkin que son épouse du moment, Cynthia Scheider, qui avait travaillé comme assistante monteuse sur la production de The Exorcist, demeure sur le plateau de tournage afin de monter les séquences sur place et ainsi sauver du temps de production, ce à quoi acquiescera le réalisateur. Plus tard, le réalisateur William Friedkin va prétendre que les difficultés entre lui et Scheider était sans contredit relié à cette nouvelle popularité que l'acteur avait reçue suite au succès du film « Les dents de la mer » de Steven Spielberg. Pendant la pré-production, le budget du film augmentera jusqu'à atteindre plus de 12 millions de dollars. Lew Wasserman, qui dirige MCA, qui appartenait à Universal Pictures, ne veut pas confier un tel budget à William Friedkin, en particulier pour un tournage qui va se faire en plein jungle. C'est alors que Charles Bluedorn, qui dirige le conglomérat Gulf Plus Western, auquel appartient la Paramount Pictures, propose de faire le film en partenariat avec la Paramount. Le film deviendra alors une coproduction Universal Pictures et Paramount Pictures. Le tournage va débuter dans une ambiance de guerre civile, de maladie et de gros doutes des maisons de production engagées. C'est en arrivant sur les lieux de tournage que Friedkin donne un nom à chacun des camions. Le premier sera Lazarus, le second Sorcerer, en référence à l'album de Miles Davis et qui donnera d'ailleurs le nom au film. Le tournage du long métrage est long et difficile, ce qui entraînera une hausse importante de son budget. Cela s'expliquera par les conditions naturelles difficiles des lieux de tournage et par la personnalité exigeante et perfectionniste du réalisateur. D'ailleurs, sur le plateau de tournage, Friedkin est extrêmement exigeant et n'hésite pas à faire refaire les prises de très nombreuses fois pour arriver au résultat qu'il désire. Sa personnalité, son caractère perfectionniste, irascible et colérique rendent l'ambiance invivable sur le plateau, ce qui forcera d'ailleurs le réalisateur à renvoyer et remplacer de nombreux collaborateurs. Le film aura notamment 5 producteurs et exécutifs avant que Friedkin assure lui-même cette fonction. La lumière naturelle dans la jungle est également très changeante, ce que Friedkin n'avait pas prévu au départ et ce qui explique, selon lui, qu'il s'agit d'un tournage, un de ses tournages les plus difficiles et des plus longs de sa carrière. Le réalisateur veut garder l'unité lumineuse de ses scènes et doit donc attendre que la lumière souhaitée revienne entre chaque prise de tournage. La séquence du pont de corde, qui est sans contredit la séquence la plus importante du film et également la plus iconique, demandera, elle, plus de 3 mois de tournage. La raison principale étant que cette scène ne peut être filmée que le matin, entre 7h et 11h, pour retrouver la lumière grise avec laquelle son tournage a débuté. Toute la pluie est artificielle, celle-ci étant créée avec des machines qui pompent l'eau de la rivière avec des ventilateurs qui la diffusent sur la scène. Le pont sur lequel se situe l'action sera construit par John Box, construction qui durera plus de 3 mois pour la modique somme de plus de 1 million de dollars. Mais à la fin de la construction, la décrue a asséché la rivière où il se trouve et il décide de reconstruire une réplique identique du pont dans un village aztèque du Mexique. Bien sûr, d'autres problèmes vont survenir puisque l'arrivée de l'homme responsable du film The Exorcist fait fuir une bonne partie de la population superstitieuse, mais il trouve quand même quelques volontaires pour l'aider sur place. La scène semble impossible à tourner, tant les camions ne cessent de tomber en bas du pont à chaque prise. Il faudra encore plusieurs semaines et plus de 2 millions de dollars supplémentaires pour obtenir la séquence de 12 minutes, l'une des plus angoissantes du film, mais également une des plus spectaculaires de toute l'histoire du cinéma. Plus d'une cinquantaine de personnes vont devoir quitter la production, soit à cause de blessures graves, soit à cause d'empoisonnement alimentaire, soit à cause de la malaria. Friedkin lui-même perdra plus de 23 kilos lorsqu'il sera lui-même frappé par la malaria, diagnostic qu'il reçut après la première du film Sorcerer. Une autre situation loufoque, c'est qu'un des volontaires mexicains se présente un jour à Friedkin en lui prétendant être un agent du gouvernement qui a infiltré son équipe et lui apprend que de nombreux membres de son équipe de tournage consomment de la drogue. Et d'ailleurs, la drogue étant un problème très important dans son pays, il devait forcer Friedkin à renvoyer les membres de son équipe et de les retourner dans son pays, sinon ces hommes devraient être envoyés en prison. Plus d'une douzaine de personnes, cascadeurs, maquilleurs, machinistes, devront alors quitter le territoire dès le lendemain. Le tournage prendra encore quelques semaines de retard, question de remplacer les membres de ces équipes qui durent quitter abruptement. Tous ces événements feront en sorte que le budget final du film atteindra plus de 22,5 millions de dollars. Lorsque le film sera finalement en boîte, Friedkin rentre aux États-Unis et s'enferme dans une salle de montage où tout semble alors rentrer dans l'ordre et la trame instrumentale qui lui remettra le groupe Tangerine Dream sonne parfaitement avec ses images. Bien que le budget ait explosé, Universal et Paramount sont contents du résultat et tout le monde est confiant que Sorcerer va dépasser les recettes faramineuses d'Exorcist qui, lui, avait quand même eu plus d'une centaine de millions de dollars au box-office. Le film va sortir le 24 juin 1977 sur plus d'une centaine d'écrans. Malheureusement, les critiques ne seront pas tendres avec le long-métrage de Friedkin et déjà, dès la deuxième semaine, se verra retiré des salles puisque la semaine avant, un film était sorti au cinéma qui allait changer complètement l'allure des recettes pour l'été. On parle ici de Star Wars, qui allait tout simplement tout écraser sur son passage. Friedkin, qui souffrait alors de malaria, va sombrer dans une dépression complète et va s'exiler alors à Paris. Du côté de Roy Scheider, ce dernier juge que le retrait de séquences où son personnage se lie d'amitié avec un jeune enfant porte gravement préjudice à l'image qu'il dégageait dans le film. Action que l'acteur ne va jamais pardonner à Friedkin jusqu'à sa mort. On parle bien sûr de la mort de Roy Scheider en 2008. En avril 2012, William Friedkin va poursuivre la compagnie Universal ainsi que la compagnie Paramount afin de reprendre possession des droits cinématographiques de son œuvre. L'idée derrière ça, c'était que William Friedkin voulait effectuer un nouveau transfert de Sorcerer en DVD et en Blu-ray disc afin de retravailler la qualité des bobines originales. En juillet 2012, Universal Pictures et Paramount Pictures vont prétendre ne pas être au courant de qui est propriétaire des droits d'auteur du long-métrage. Ceci était en lien direct avec la faillite de la compagnie Cinema International Corporation qui appartenait à l'époque aux deux géants d'Hollywood, compagnie qui avait été créée pour faire différentes coproductions, incluant bien sûr Sorcerer. Finalement, Friedkin va découvrir que Universal était effectivement propriétaire des droits, Paramount ayant perdu leur partie des droits en 2002. En mars 2013, Friedkin va abandonner toute poursuite lorsqu'une entente fut prise avec Universal pour retravailler les bobines originales et ainsi donner un second regain à la vie de son film. Une nouvelle version alors améliorée de ce film d'aventure spectaculaire de la fin des années 70 sera présentée au Venice Film Festival avant d'obtenir une sortie sur format Blu-ray Disc avec un visuel retravaillé qui donnera un effet spectaculaire à ce long métrage devenu film culte. Du côté des points positifs de Sorcerer, le style reportage de Friedkin donne un aspect quasi documentaire et réaliste au long métrage et augmente d'une façon efficace le suspense, tout spécialement dans les scènes d'action. Friedkin, d'ailleurs, va avoir un souci du détail qui est vraiment impressionnant, ce qui va nous donner des images mémorables où l'image sombre et pesante capte avec subtilité la beauté dans cette laideur ambiante. On va vraiment chercher le maximum au niveau du visuel. D'ailleurs, la direction photo est également époustouflante. Il utilise d'une façon efficace tout son environnement. Le montage crée une dynamique spectaculaire. Rares sont ces scènes d'extrême pression qui tiennent en haleine à cette intensité. Je vous dirais même plus que les cadrages serrés du réalisateur vont donner une impression d'emprisonnement qui ne laisse aucune chance aux différents personnages qui se retrouvent coincés dans une vie sans issue positive. Friedkin épate et crée un mélange entre action, aventure et drame psychologique. Les acteurs sont excellents et n'ont pas peur d'être dépeints comme sales et malsains, ce qui augmente d'ailleurs la crédibilité et le réalisme de chacune des scènes. De plus, le fait de les voir véritablement conduire leur véhicule, comparativement à la version de 1952, rajoute à cet effet d'authenticité. La scène du pont demeure l'une des plus spectaculaires à avoir été filmée et le suspense sait nous tenir en haleine avec un visuel rude et un montage corsé. Mais du côté des points négatifs, le film a une intro quelque peu longue et déstructurée, ce qui enlève un peu de rythme, surtout dans la première heure. Mais contrairement au film original ici, l'introduction des personnages est tout de même beaucoup plus dynamique et plus explicative et plus intéressante au niveau visuel, je vous dirais, que le salaire de la peur. À cause du fait que tous les personnages sont des criminels, le spectateur a de la difficulté à s'attacher à eux. Et le fait d'avoir une distribution qui est peu connue enlève la chance de renforcer ce lien avec les personnages, de plus qu'il n'y a aucune vraiment prestation qui ressort vraiment à l'écran au point de le souligner ici. On aurait eu un Steve McQueen à la place d'un Roy Scheider, ça aurait été quelque chose de différent parce qu'on serait plus attaché à Steve McQueen qu'à Roy Scheider qui en est à ses débuts au niveau acting. On n'a qu'à le voir, là, sa popularité c'était French Connection, après ça c'était Jaws. Ça c'était vraiment le troisième film qu'il mettait en avant-plan. Finalement, le sujet sombre et la fin funeste de tous nos anti-héros pourraient déplaire à certains spectateurs qui sont habitués à des conclusions beaucoup plus positives. Au niveau de la musique, eh bien, il s'agit ici de la toute première trame sonore réalisée par le groupe allemand Tangerine Dream, groupe qui avait été choisi par Friedkin après que ce dernier les ait découverts en 1973 à Munich. Un an plus tard, le réalisateur américain les rencontrera à Paris et l'offrira alors le projet. Le groupe va être emballé et va décider de signer. Alors que le tournage n'a même pas encore commencé, Edgar Froese va composer la musique en se servant uniquement du script fourni par Friedkin. Plus tard, durant le tournage en République dominicaine, le réalisateur va recevoir un colis, une maquette de la musique sur bande. N'étant pas équipé pour l'écouter, il va la renvoyer à Mexico avec l'instruction de la copier sur cassette. Par la suite, Friedkin va pouvoir écouter ses cassettes et va être immédiatement séduit par cette musique et juge que celle-ci va coller parfaitement avec son film. Depuis, Tangerine Dreams va avoir fait les trames sonores des films The Keep, Theft, Firestarter et Miracle Mile. Je vous présente ici un extrait de la trame sonore de Sorcerer. Thank you. Du côté des cotes artistiques, Le salaire de la peur est coté 2 par Mediafilm. Moi, je le cote 3, qui est très bon, malgré que je vous dirais que c'est un 3 vers une tendance sur le 2, mais la première heure du film est beaucoup trop longue, puis j'ai pas vraiment d'intérêt, mais la dernière heure et demie est tout simplement parfaite. Je dirais, si j'avais juste eu ça, ça aurait été un chef-d'œuvre, mais à cause de la première heure, malheureusement, je suis obligé d'aller vers un 3. Du côté de l'âge et du contenu, eh bien ici, on parle d'un film qui est 13 ans indicatif du côté de la régie du cinéma. Moi, de mon côté, c'est un 14 ans pour des scènes de violence. Au côté de Sorcerer, eh bien, du côté de la cote de Mediafilm, c'est un film qui est coté 4. Bon, moi aussi, j'y vais avec une cote 4. L'introduction est quelque peu plus lente, mais quand même très spectaculaire comme film à regarder. Au niveau de l'âge et du contenu, Sorcerer, eh bien, coté 13 ans indicatif par la régie du cinéma. Moi, j'y vais avec un 14 ans fixe à cause de scènes de violence. Du côté de la disponibilité en format DVD et Blu-ray, du côté du salaire de la peur, on y va avec le Criterion Collection, où est-ce qu'on a une édition DVD 2 disques et une édition Blu-ray disque d'un disque seulement. Seuls les sous-titres anglais sont disponibles sur ces éditions. On a également Koch Vision Classic qui nous sort une édition 1 DVD avec les sous-titres en français. Et vous avez une version coréenne où le film est en français. Il est décodé dans toutes les régions, mais les sous-titres sont uniquement en anglais et en coréen. Du côté de Sorcerer, on va y aller avec la trame sonore de Tangerine Dream. En effet, la trame sonore de Tangerine Dream est disponible sur l'étiquette Geffen Record, que ce soit en vinyle ou en CD. Un film qui est disponible en DVD et en Blu-ray également. Je vous dirais, la version DVD de l'époque, c'est un plein écran, mais les nouvelles versions Blu-ray disc qui ont été faites nous donnent quand même un aspect widescreen, donc l'effet panoramique 1.85. Je vous suggère fortement les nouvelles éditions DVD et Blu-ray du film Sorcerer qui viennent d'être mis sur le marché. C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Juste vous rappeler, si des fois vous voulez nous suivre, vous n'avez qu'à vous inscrire à la page Facebook de Programme Double. À ce moment-là, vous serez averti à toutes les deux semaines de la journée où sera diffusée notre nouvelle émission. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller également sur la page web de fantasticaradioweb.com dans laquelle vous allez avoir une section podcast. Si vous cliquez sur cette section podcast, vous allez voir plein de sous-sections, dont une qui va s'intituler Programme Double. Lorsque vous cliquez là, vous allez tomber sur la page officielle de Programme Double, sur laquelle vous allez trouver toutes les explications au niveau des cotes artistiques que je donne au film, en plus d'avoir un résumé de qu'est-ce qu'est le podcast, mais surtout, vous allez avoir tous les liens, que ce soit les liens pour la page Facebook, les liens pour l'adresse email, si vous avez des fois des suggestions de films que vous aimeriez que je parle, ou encore des commentaires à faire. Et finalement, eh bien, vous avez le lien qui vous amène sur l'application de Programme Double, une application où vous serez capable d'aller voir tous les films dont je vous ai parlé depuis la création de ce podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre également mon autre podcast qui est Fantastica Radio Web, un podcast où on parle de différentes passions, une émission de 3 heures, contrairement au podcast de Programme Double qui, lui, n'est qu'un maximum de 1 heure à tous les 2 semaines. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine de Programme Double. Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.